du commerce de l'art et du parcours d'un artiste. Alors que je prends mes marques à la cuisine et organise sur ma lancée le rangement de la maison, Jeannot installe son atelier. Le troisième niveau de notre chalet est une pièce aux dimensions impressionnantes. La poutre faîtière est découverte, située plusieurs mètres au-dessus du plancher patiné. On se croirait dans un bateau retourné. Trois fenêtres devant, autant sur l'arrière, donnent une lumière traversante exceptionnelle en hiver. Un peu moins vive en été. L'immense pièce n'est pas chauffée. Plus tard, nous ferons pratiquer une ouverture dans son plancher, juste au-dessus du poêle à bois du salon, afin que la chaleur puisse monter. En attendant, je lui tricoterai un gilet bien chaud et un radiateur à bain d'huile le dépannera. Des poutres garnissent les deux côtés de la pièce et servent de présentoir à l'artiste qui peut y installer tous ses pigments. Un chevalet mobile se voit vite chargé de nouveaux travaux. Comme on l'aura compris, Jean-Paul, interdit de travail à perpète, ne se couche pas pour si peu. Ce n'est pas une colonne vertébrale fichue qui l'empêchera de faire quelque chose de sa vie. Tant qu'il ne sera pas paralysé, il s'exprimera qu'on se le tienne pour dit. Sitôt déposée la demande de son médecin auprès de l'autorité compétente, pour une rente d'invalidité, Jeannot se met en quête d'une raison de vivre. Il pense d'abord se reconvertir dans le graphisme en s'inscrivant dans une école nouvellement ouverte à Sion, dirigée par le célèbre Grégor Zrozinski, le papa de Torgal. Hélas, malgré ses dons incontestables, sa santé l'obligera à s'arrêter après un trimestre. Le maître aura juste le temps de lui insuffler assez de confiance en lui pour qu'il ose continuer en autodidacte et lui dira, ce sera une révélation, que chacun de ses tableaux est un poème en soi. Dès lors, Jean-Paul renoncera à faire son chemin dans les arts graphiques. Il a trouvé sa nouvelle mission. Il deviendra poète, image après image, offrant de la beauté à ses contemporains. Ses tableaux seront de véritables pansements pour soulager leur bleu à l'âme. Pour commencer, mon cher étante s'approche de celui qu'il considère comme son maître. J.M.W. Turner, 1775-1851, et étudie ses travaux à fond, en particulier ses aquarelles pour leur lumière extraordinaire. Puis il enchaîne sur la production. Il exécute de nombreux tableaux à la manière de, ou plus exactement des travaux résultant de sa perception très personnelle de l'enseignement du grand peintre anglais. Un masque mortuaire, un autoportrait, des paysages de la Fourclaz ainsi que quelques commandes. Tous ces travaux ont une nette dominante métaphysique et spirituelle. Au cours des premiers mois de notre vie au chalet, chaque fois qu'il le peut, Jeannot travaille dans son atelier. Chaque fois, c'est-à-dire quand la coupe du bois lui laisse quelque force, quand il sent que ni moi ni les enfants n'avons besoin de lui, et quand il ne fait pas trop froid ou trop glacial. Pas très souvent, mais suffisamment tout de même parce qu'il travaille vite, pour que nos murs se garnissent de ses œuvres. J'ai l'impression d'habiter dans un musée. Je le ressens comme un immense privilège. Toutes ces images si belles, où que se porte le regard, exaucées d'une musique sublime. Beethoven, Arvo Pärt, Shostakovich, Debussy, Mozart et tous les autres. Il n'est pas rare qu'un visiteur reparte avec le tableau qui lui a tapé dans l'œil. Certains amis passent même commande. Mais pas question pour Jean-Paul de se faire payer ses œuvres. Il lui est une fois, une seule, arrivé d'accepter qu'on le rémunère au tarif normal, les cotes se font au centimètre carré de toile recouverte, mais il en a eu tellement qu'il s'est empressé de peindre et d'offrir une seconde toile afin de compenser un prix qu'il jugeait prohibitif. Qu'il s'agisse de peinture ou d'écriture, de ses tableaux et plus tard de mes écrits, nous partons du principe que l'art doit être un bien inaliénable, comme l'eau, l'air ou le soleil. Seule exception à la rigueur, le matériel de base au prix coûtant pour se donner les moyens de continuer. Quand Jean-Paul entend dire qu'un Van Gogh est parti aux enchères pour plusieurs millions, alors qu'on sait que l'artiste n'a vendu que deux toiles de son vivant, ou pire, quand il apprend que les galeristes détruisent les invendus dans leurs arrière-cours pour faire monter les cotes, il pique de belles colères. Acheter une œuvre pour son usage exclusif revient à confisquer l'art, dit-il. Or, l'art, en tant que matérialisation des émanations et intuitions spirituelles, par le truchement des artistes, ne revient-il pas de droit à l'humanité dont il est le reflet? Le marché de l'art est en raquette pure et simple. Et il poursuit, si un artiste croit qu'il peut se faire une clientèle et des couilles en or, comme tout génie humain qu'il est, s'il est certain que des gens vont dépenser une toute petite part de leur fortune à sa propre gloire, à son seul mérite, si vraiment il construit sa vie entière sur et consacre toute son énergie à ce credo, alors c'est que les classes dominantes depuis la Renaissance ont vraiment bien fait leur boulot. La seule et unique chance de survie et de renouveau éventuel qu'il reste à l'humanité est que son art puisse apparaître indépendamment de tout système mercantile. L'artiste, dès lors qu'il est astreint à la vente, obligé de plaire à son commanditaire, ne peut plus s'exprimer sincèrement. Et puis, conclut-il, n'y a-t-il pas assez de place sur Terre pour que les créateurs qui veulent se faire un nom et du fric avec un art de décoration puissent se sentir libres de le faire, tout en conservant un certain respect vis-à-vis de ceux qui ne revendiquent rien d'autre que le bonheur de pouvoir s'exprimer, fût-ce publiquement, juste pour la beauté du geste et la nourriture de l'esprit? Pour conclure sur ce sujet, puisqu'il est impossible de nos jours de faire partie du monde de l'art sans compromission, Jean-Paul n'entrera pas dans le système. On pourrait prétendre qu'il est facile d'être généreux et pointilleux sur l'éthique, à partir du moment où une rente, si minime soit-elle, vous dégage de tout souci matériel, vous garantit le vivre et le couvert et vous offre la liberté de faire ce que bon vous semble. Nous l'apprécions, c'est sûr, mais il y a du boulot pour qu'elle suffise à nos ambitions. Par exemple, pour investir dans les matières premières. Aussi, nous procédons à quelques aménagements et renonçons aux vacances à l'étranger, à la voiture, aux cigarettes et même, parfois, aux côtes de bœuf. Inutile de préciser que sans cette maladie, nous travaillerions pour gagner notre pain et réaliserions, comme tout le monde, nos rêves pendant nos loisirs. Et puis Jean-Paul se passerait volontiers des souffrances endurées et des heures passées, perdues, dit-il, chez les médecins, sans compter qu'avec l'énergie qu'il a, la double journée ne lui a jamais fait peur. Il a l'humour qui sauve aussi. Quand d'aventure je demande à mon cher époux de bien vouloir avoir la gentillesse et l'extrême amabilité de ne pas bousiller notre budget bouffe avec ses achats intempestifs de livres ou de pigments, texto, il me répond du tac au tac. Je ne sais pas si tu te rends compte, madame, que c'est toi qui empiètes sur mon budget art avec tes triviales questions de nourriture. Et de poursuivre sur ce terrain miné, en prétendant que justement, dernièrement, j'ai beaucoup trop dépensé en fruits et en légumes inutiles, puisqu'il ne peint pas les natures mortes, ainsi qu'en vêtements et chaussures pour les enfants, qui n'en ont pas encore besoin. Reprenons notre sérieux. Ce qui contribue à rendre les choses vivables, c'est que Jean-Paul fabrique son matériel lui-même le plus souvent possible. Depuis ses chevalets, avec le bois de notre ancien lit, en passant par ses couleurs dont il broie longuement les pigments, jusqu'à ses vernis, et parfois même son papier. Très opportunément, il a découvert à Montreux, il y a quelques semaines, la réédition du grimoire d'un certain Cennino Cennini, peintre toscan du XIVe siècle. Ce manuel est un véritable cours de peinture, fort utile sur le plan technique. Et il n'est pas dénué d'humour non plus, Cennino, qui prévient malicieusement son lecteur. Si tu dois faire exécuter un travail très méticuleux, broyer un pigment le plus finement possible, ou toute autre tâche qui exige une extrême attention ainsi qu'une grande précision, méfie-toi des vieilles. Confie cet ouvrage à une jeune femme si possible amoureuse qui ne sera avare ni de ses forces ni de son temps. Tu seras beaucoup mieux servie. Voilà qui nous fait bien rire, un peu jaune pour ma part quand je vois que mon élu renonce à me confier certains travaux au motif que je serais peut-être un peu trop rapide. Mon mari n'hésite pas à exprimer sa foi au travers de ses œuvres, chaque fois qu'il en a l'occasion. J'irai volontiers étudier les icônes chrétiennes, se dit-il, un jour après avoir vu le magnifique film d'Andrei Tarkovski sur le moine peintre d'icônes Anton Roublev. Presque tout ce que l'on connaît de l'art pictural jusqu'à l'époque des icônes évoque la religion. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Pourquoi de sales gamins tagueurs se sont-ils mis un jour à reproduire des signes sur les murs des cavernes? Considérons l'histoire de l'image à travers l'histoire de l'homme. Il est évident que si l'invention des chiffres procède du commerce et de la technique, les images et l'art découlent du spirituel, de la sensibilité et de l'esprit jaillit la beauté. Continuant sur cette lancée, Jeannot approfondit ce que la religion qu'on lui a enseignée quand il était enfant explique sur ce sujet des icônes et du droit de reproduire des images dans le christianisme. Que dit-elle la Bible sur l'image ? A priori, tu ne façonneras pas l'image taillée. Oui, mais alors, pourquoi la religion orthodoxe propose-t-elle une théologie imagée ? Les icônes sont les enfants légitimes des portraits du Fayoum. Si elles ne sont pas fondées sur la même religion, la technique est la même que pour les premières icônes peintes à l'encaustique. Tout se passe comme si les artistes de l'art funéraire religieux du Fayoum s'étaient recyclés dans l'art chrétien. À partir de là et pendant 3 ans, Jean-Paul étudiera des centaines de documents, lira des milliers de pages couvrant un large spectre, allant de la science des hiéroglyphes, dictionnaire de Champollion, à l'apprentissage du grec, en passant par une lecture approfondie des écrits d'un certain Paul Nothomb, qui a la grande qualité d'avoir appris l'hébreu sur le tard pour pouvoir lire la Bible dans sa version originale. De l'écriture à l'image, et vice-versa, le pas est vite franchi. La parole et la gravure sont jumelles, idem pour l'écriture et la gravure, l'iconographie et l'écriture biblique. Ainsi, Jean-Paul en est-il venu à la conclusion qu'il est envisageable d'écrire le prologue de l'évangile de Jean en une série iconographique. Cette série dérivera du canon orthodoxe mais sera néanmoins une expression réformée d'un credo, profession de foi, d'une théologie, vision de Dieu. C'est dit, elle sera basée sur le nom de Dieu qui s'incarne dans l'humain, sachant que le nom représente entièrement la personne dans la religion, la symbolique, humaine. Après un parcours passionnant, la série de 8 icônes de fabrication traditionnelle, peintes dans un format relativement modeste, trône désormais en due place dans notre salon. Des reproductions photographiées grandeur nature sont visibles par tous dans une pièce de la maison qui leur est consacrée.